passer par là. On m'a dit que ça va passer, on m'a dit évite les blabla. Je fais confiance à ma mère, du coup c'est pas elle quand je suis pas bien. J'ai mon petit frère comme toi, il m'a dit j'en ai marre d'être un chien. On m'a dit fais ta life, fais gaffe les femmes la night. Fais gaffe à la police, ils surveillent quand tu fais ta maille. Je pense au passé, je me médaille. On m'a dit petit, tu veux des sous, faut aller au fight. Sur le soleil.